Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Deuxième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أسألكم عن كلمة. ما معنى مينا؟ وما هو الجمع؟ مواني. عاصمة. كابيتال. أشكال. فرق. أحجام. أحجام سي لا تاي نو. نعم. ما هو المفرد؟ جمع. على جمع ما هو المفرد؟ جمع. جمع. ذكرنا من نحن ولدي. نسيت. عندك؟ حجم. نعم حجم. حجم. بضائع. Les produits, les marchandises. Non, on vous frappe. Bida. Dakhma. Dakhma. نفط. البترول. وي وجدته إذا النفط. الفتح. القابوس وجدته. قال نفط. الحمد لله. يديكم الله مصلح بالكم. ناقلة. ناقلة. ترانسبورت. ترانسبورت. سفينة. باتو. ما هو الجمع؟ سفن. ممتعة. أيضا. مختلف. ديفيرون. حمل يحمل. ترانسبورتي. نظر ينظر. Regardez, observez. Iqama. Résident. Oui. Quel est l'idiome ? Je vais faire le couteau. Personne. Akada. يعني هذا أكبر من هذا. نعم ثالث. ما في ثاني قبل؟ نعم ثاني في. على فصل؟ في الدرس. طيب. ثالث. نعم. الجملة الأولى. الباب أكبر من النافذة. نعم. تحت. هو رجل. رجل. ثاني. À côté. En bas ou à côté. En deux. Al-Makardo Asraro Minal Kursi. Pardon, Al-Makardo. Al-Makardo ça c'est un séjour. Séjour ? Moi j'ai trouvé ça dans Maqad. Là, Maqad, c'est un siège. C'est un où je t'as fait. Ah ouais. Je sais pas, Maqad, il y a écrit séjour, je sais plus. Là, c'est le cordier et Kondo qui veut dire s'asseoir aussi. Adorjo Anzafu Minas Saboura. Non. Maman Saboura. Le tableau ? Non. Alors bien. Al-Man'abu Al-Adu Minal Maktaba. Khamsa. Al-Kitabatu As'abu Minal Qira'a. Al-Qira'a As'haru Minal Kitaba. Très bien, c'est tout bon. Khutba Al-Khamis. D'accord ? Non. Akbil Kamat Nabu Najiani. Allez, coupe le tombé ou elle fera la rate, on perd les trous. Ah, voilà. Là. Hadal Manzilou, min Abaradil Manazil. Là. Hadal Majlisou, min Amtaï, al Majalis. Hadal Balabou, min Asfari. أسخر الملاعب ملاعب لا هذا المكتب من أوسع المكاتب هذا المسكن من أفضل المساكن هذا المعهد من أقدم المعاهد هذا المطعم من أقدم المطاعم. طيب. الآن عليكم أن تأتوا بصيغة التعجب. يجب أن يأتي عليكم بصيغة التعجب. طيب الجملة الأولى. ما أكبر هذه الناقلة؟ نعم. ثانيا. ما أسخر هذا الميناء؟ ميناء. نعم. ما أمتع هذه الرحلة؟ ما أنظف هذا المجلس؟ مجلس. ما أثقل هذه الحقيبة؟ ما أجمل هذا المكان؟ ما أوسع هذه المسافة؟ هذه المسافة. مسافة هذه الدرجة هذه الدرجة دراجة هذه الدراجة نعم طيب هذا مفهوم ثامنا موضوع الدخول الجملة الأولى ثقف السفن لا تقف السفن في الميناء وهي مختلفة وهي مختلفة الأشكال وأحجام والأحجام نعم صحيح الرك بعض السفن تحمل نفتا نعم وبعضها تحمل بضائع نعم ثالثا هذه ناقلة تنقل نجم نفط ولا ركاب ناقلة تنقل. Ouais, parce qu'en fait, dans la phrase d'avant, vous pouvez mettre نيفت والركاب تعتمد من الركاب هي على بس تبقى فنون في الأول لا تبيش مت هذه ناقلة تنقل النفط يا لها من ناقلة من ناقلة سخنة ضخمة تنقل ضخمة ترانسبورت يقول ناقلة سي اسم فاعل يعني سي كارغو كي ترانسبورت Ouais, mais le tankilo, on n'a pas vu ça. Si. On a vu le tankilo, on a vu. Ouais, je ne crois pas qu'il était dans le tankilo. Non, mais dans le texte, il y est, je crois. C'est pour ça, quand il y a un nouveau mot, vous ne connaissez pas, vous cherchez. Mm. Alors, bien. Il faut connaître, Hein? Faut connaître l'origine et tout, parce que c'est conjugué, il n'y a pas. Moi, je ne l'ai pas dans mon dictionnaire, comme ça. السفر بالسفينة يأخذ وقتا طويلا ولكنه هو رواية ممتعة. لا. ولكنه. C'est en fait c'est ولكنه c'est ولكن. لا. Mais il revient à quoi là, le où là à, au voyage Non, au voyage. Je ne veux pas qu'on pouvait mettre un voyage sur le papier. اقرا بعنوان وسائل السفر وسائل في الجنب وسيله وليس كو وسيله مهمه تمام شكرا للوياج جون ترانسبورت الكلمات جديده انسان بعد السلام لما T'es sûr de là? Je crois pas d'Alif. Si, Alif. Insan. Akodamun, c'est le diam de Kodam, c'est-à-dire pied. Akodamun, c'est le diam Kodam, qui veut dire pied. Akodamun. Non. Zuhurun, le djem de Zah qui veut dire le dos. Zuhurun, le djem de Zah qui veut dire le dos. Hayouanat, le djem Hayouan qui veut dire animaux. Hayouan c'est animal, Hayouanat c'est animaux. حيوانات حيوان حيوانات عيالك يا كل حب والله بديانا ها نجرا بعد ما نصدق ساعة ساعة حيوانات تعبان في la fatigue في المزاد تعب تعبان تحبو تعبان نعم je connaissais qu'il se coule tab. Je connais pas tab. C'est le premier mot qu'on entend à la vache. Je ne connaissais pas qu'il n'est pas tab. Je connaissais qu'il se coule sur le rein. Tab. Je ne connaissais pas tab. Je ne sais pas si c'est une erreur. Il n'y a pas. Tab, voilà. C'est pas malade. Non, c'est une fatigue. Ça peut être aussi malade, mais c'est la fatigue en général. Hadir. Là, ce qui évolue, c'est le présent, le temps actuel. À la base, c'est le ism fa'il de hadar yahduru, qui veut dire venir se présenter. Le sens voulu, le waqt al hadir, c'est le temps présent. Être présent, en fait, non c'est pas être présent. Là, dans le texte, c'est le temps présent, comment ça va venir. تقدم يتقدم على بس s'avancer et dans le texte il veut dire quoi évoluer تقدم يتقدم يتقدم يقدم يتقدم فعل في فعل مفعول أخذ يأخذ ça veut dire prendre et là entre parenthèses ils ont mis istaraqa et en fait là, le mot prendre أخذ يأخذ c'est pas comme le fait de saisir c'est le fait de contenir et ça ne va pas dans le texte inchallah bien qu'en français le mot prendre là, il vient pareil on peut l'utiliser pareil Bariya, c'est terrestre. Bariya, c'est terrestre. Il y a un verset où il y a ce. Oulaïka Moucharou Bariya. Même. Fil surat al-Bayyina. Bahriya, c'est maritime. Bahriya. Qui veut dire au Bahra. Raha, à côté c'est Raha, c'est au fort, au repos. Raha, c'est quoi ça? Il y a quoi là à la fin? C'est un thème arbouta. Raha tout le monde. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Confort, au repos. طيب متعة يعني plaisir ou chose agréable ça vient de ممتعة comme vous l'avez pris non dire les حلا ممتعة réjouissante plaisante متعة c'est la même origine mais il y a une différence entre les deux il y en a c'est اسم فاعل il y en a c'est مصدر il y en a c'est ça mais là-bas c'est la même origine de mot وسائل ولا جدي سي جمع وسيله كجمع moyen بلد معروف اي تير كونتري ريجون ميم راكب معروف passager قصير معروف يكون الى كان يكون كان يكون هذا فعل سي فعل être كان سيأتي يكون سيأتي اللي كان يكون سيأتي كان يكون سيأتي جيدي مضالي جسوي مضالي هذا كان نصك النص اليوم لكم إن شاء الله هيا يقول كان الإنسان قديما يسافر من بلد إلى بلد ماشيا على الأقدام أو راكبا على ظهور الحيوانات وكلكم بكانوا دي بنفاز سلامين وباسي Ça se dirait pas auparavant. Auparavant. Donc auparavant, l'homme, vous voyez, ce qui est appelé Kandiman. Kandiman, ça veut dire anciennement, dans le temps. Voyager de pays en pays, Bidbeled, il est Beled, de pays vers notre pays, on dirait de pays en pays. Machiel, Alal Akdam. Machiel, c'est en marchant. Et Machiel, Alal Akdam, en marchant sur ses pieds. Machien à la bagdam, c'est-à-dire en marchant sur ses pieds. Awra kiban, ala zuhur el haywanat. Alors Kibad m'a dit quoi? C'est celui qui monte au cou, sur le dos des animaux. On n'est pas passager? T'es pas passager sur un animal. Là, c'est dans l'avion, t'es passager. Ouais. Sur un cheval, t'es pas passager. Ouais. وكانت الرحلة تأخذ وقتا طويلا. Donc كانت, c'est comme كان, donc là ça revient à féminin. Donc les voyages leur prenaient un long temps. Vous voyez, mais on va pas dire été, elle prenait longtemps. On a compris que lorsque كان est dans une phrase, il la ramène au passé. Donc le mot, faut pas le traduire au mot pour mot. Là, le sens voulu quand on met كان, c'est ça ramène la phrase au passé. Pas seulement le verbe, mais toute la phrase à la passé. Donc là, ça veut dire quoi? Que les voyages leur prenaient, voyez, leur prenaient à longtemps. Wajidu il sa'adu fiha ta'ban kathira. Et l'homme, il trouvait une grande fatigue, allez, dans ses voyages. Parce qu'il était ou marché à pied ou sur les animaux. Donc c'était fatigant. النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر كتعة من العذاب. Que le voyage est une parcelle de châtiment. C'est fatigant, c'est pas facile. أما في الوقت الحاضر, mais quant au temps moderne, actuellement on va dire, et في الوقت الحاضر, le temps présent, فقد تقدمت وسائل السفر. Que les moyens de voyage ont évolué. فقد تقدمت. Là, vous ne prenez pas trop la tête à vouloir traduire au mot par code. Parce qu'à la base, code serait déjà. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, que les moyens de voyage ont déjà évolué. C'est comme ça qu'on traduit le code. Souvent, ça vient pour déjà. Et des fois, il peut venir par l'autre sens. Mais on ne peut pas l'utiliser tout seul comme ça, code. On pose là. Une question, tu dis code. Vous obligez de venir avec. En plus, c'est en vert. Tu n'es pas code tout seul. Avec un verbe au mardi, je pense. Au fur et à mesure. فهناك وسائل برية كالسيارات والقطار. Donc, هناك, c'est-à-dire que désormais on peut trouver. À la base, هناك, c'est là-bas où on avait des voix. هنا, معنى يوجد, il y a. On a dit que هنا, ça peut dire معنى يوجد, il y a. Et là, comme il parle de l'époque actuelle, on dira il y a actuellement, cette époque, tu vois, wasa'il barriya, des moyens de transport terrestres, comme les voitures et les trains. Kassayyarat ou al-kitarat. Kitarat, c'est le jambe de kitar. Wasa'il bahriya, kassoufoun. Et des moyens maritimes, comme les bateaux. Wasa'il jawiya, kaltairat. Des moyens aériens comme les avions. وأصبحت الرحلة تأخذ وقتا قصيرا. أصبح, c'est un verbe qui veut dire devenir. Il y a deux sens là, c'est le sens de devenir. Donc أصبحت الرحلة, donc c'est-à-dire les voyages actuellement. Toi, tu peux pas dire en français, sont devenus à prendre peu de temps. Donc on va dire directement, ne prennent plus trop de temps maintenant. Mais si tu dis toi, Asbahtu, musulman, je suis devenu musulman. Moi, je ne comprends pas là. Pourquoi il y a deux verbes? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Là, c'est un truc que tu vas en sortir plus tard. Je t'ai dit, alors qu'il est, si tu as compris le fond de la phrase, au mouvan, t'arrêtes pas au mot par mot, tu ne pourras pas. Tu vois, les assemblages de verbes comme ça, après, c'est toute la phrase entière qui prend un sens. Si tu as un tobou pour mot, tu ne vas rien comprendre. Bah, c'est là, franchement. Et ça, il ne faut pas le faire. Je l'ai déjà dit, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas s'arrêter au mot pour mot. Si tu as compris le sens de la phrase, de façon générale, Inch'Allah, Abdullah Khayyim. Et après, au fur et à mesure, ça va venir avec le temps. C'est pas en deux mois que tu vas pouvoir cerner tes phrases. Ça va venir avec le temps, écouter. Comme toutes les langues. D'ailleurs, faut pas. Là, t'as stardé. Ça va venir, Inch'Allah. Mais toi, par exemple, si je dis Asbaha tout seul, tu sais ce qu'il veut dire. Mais moi, je suis la phrase entièrement tout seul, même si moi, dans la phrase, j'enlève le verbe, la phrase, tu sais ce qu'elle veut dire. C'est ça l'aham, c'est ça le plus important. Asbaha, c'est devenir. L'aham. ثم قال ويجد الإنسان فيها Mut'atan wa riha, raha plutôt. Et l'homme, il trouve dans ses voyages du plaisir et du confort. Par les bateaux, par les avions et par les trains. Mais il y a toujours une part de hasard quand même dans le. C'est toujours fatigant en voyage. Quand tu as un long voyage, c'est toujours fatigué. C'est vrai que les moyens actuels ne sont pas comme ceux d'avant. Par exemple, le Hajj actuellement, le voyage, il est facile. Avant, les gens partaient de leur pays depuis des marchés des mois entiers. La Hijra, par exemple, aujourd'hui, on l'a fait en avion, les Sahaba, ils l'ont fait en marchant. 10 jours dans le désert. C'est pas la même façon de faire. Même motivation. Moi aussi. Aujourd'hui, on peut dire faire un voyage en voiture et faire un voyage en chameau, ça va pas être pareil. Ouais. En plus, avec ça, on a du mal à faire les gens. Faut maintenant, t'as le démon en gros même. Donc, je vous dis, vous n'arrêtez pas au mot pour mot. C'est de langue arabe. Ce qu'il faut, c'est réussir à cerner le sens de la phrase qui évolue. Et après, Inch'Allah, vous arriverez à bien cerner de vous-même. Quand on met Kana, comment la phrase devient. Quand on met Asbaha au début de phrase, qu'est-ce qu'elle veut, comment les tournures qu'elle apporte. Des fois, Kana, c'est vraiment été. Là, on peut pas dire c'est l'être humain était avant voyager de pays en pays, ça se dit pas. Donc, tu es obligé de faire toute la phrase de façon correcte. Donc, c'est l'être humain auparavant, vous voyez, voyager de pays en pays. Après, ça marche pas tout dans la phrase. Mais encore, ça va, c'est écrit, t'as le temps de réfléchir, mais quand on te parle, si on dit un truc comme ça, franchement, c'est. Ça va venir, c'est pas pareil. C'est comme la lecture, c'est comme le reste, faut écouter. Les cassettes, tout ça, ça va venir. Mais au début, c'est en lisant. Tu commences par la lecture, ça c'est sûr. Awalen, Yakul Ajib al-Asilatil Atiya. Réponds aux questions suivantes. Et cela, ça va être pour les radis de femmes. Et là, il faut vraiment respecter du texte, comment ils ont formulé les phrases pour écrire. Yakul Kayfa kana al-insan yusafiru qadiman. Comment est-ce que l'humain voyageait auparavant? Regardez bien la question, comment elle est faite. Et la réponse est dans le texte. Il faut juste analyser et se concentrer. Thaniyan, limada kanat ar-riha ta'khudhu waqtan tawila. Pourquoi est-ce que les voyages prenaient beaucoup de temps, un long temps? J'ai une question. Non. Kanat là, c'est rihlatun laylou. C'est au singulier ou pluriel? Singulier, mais rihla c'est mon féminin. Ouais. Donc, alors, on habite à Anis, comme Zahabat, justement, mais donc c'est le voyage en fait. Pourquoi le voyage prend beaucoup de temps? Prenez beaucoup de temps. Ah, prenez beaucoup de temps. Parce que même si tu vois Ta'khouz, il est au Moudralia, là c'est Kana qui prend le dessus. Ouais. Donc, il ramène toute la phrase au passé. Ouais. Il est toujours avant tous les verbes et tout? Des fois, il peut être tout seul. Des fois, il peut ne même pas être là, et des fois, il est là. Ça dépend de ta phrase. En fait, quand tu dis que c'est comme les différents passés qu'il y a en langue française. Si je te dis fa'altu kaza, c'est-à-dire quoi? J'ai fait ça. Comment tu vas dire je faisais cela? Kuntu afalu kaza. Ça change la forme du passé. Tu veux kana et après tu vas notre verbe. Ça change le passé. Il y a une différence entre je faisais et j'ai fait. Je faisais, c'est des choses que tu veux dire continuellement, et j'ai fait, c'est ce que tu as fait qu'une fois. Ouais. Là, c'est pareil. Kana, il t'appelle à ça. Ou Asbaha, ou tous les verbes qui ressemblent, tu les verras dans le jeu Rumiya, ils appellent à ça. Ça amène une habitude, quoi, en fait. Thalithan. اذكر وسيلة من وسائل السفر البرية ووسيلة من وسائل البحرية. Donc il dit cite un moyen de transport parmi les transports terrestres et un moyen parmi les transports maritimes. اذكر c'est le amr ça? Non. De quel ذكر يذكر. ذكر يذكر. Là il veut dire citer, ça veut dire rappeler aussi. اذكر الله. Appelle Allah, rappelle-toi d'Allah, mais là il veut dire quoi? Citer. Rappelle une chose. Secours. ثانيا سين كل كلمة من كلمات المجموعة كلمات المجموعة ألف بعكسها من كلمات المجموعة باء كما في النموذج. Donc lis entre les mots de la colonne ألف avec leur contraire, leur opposé des mots dans la colonne باء comme dans l'exemple. Donc تعب oui, c'est la fatigue. تقدم c'est évoluer ou aller de l'avant. صغير petit. El Hadir, actuellement, le présent. El Safar, le voyage, donc le déplacement. Sahloum, facile. Majmouaba, El Mardi, c'est le passé. El Iqama, c'est la résidence, le séjour. Sa'b, ça veut dire difficile. Ta'akhara, c'est être en retard ou être retardé. C'est pas reculé dans ce sens. Aussi. Alors en arrière, quoi. Mais quand tu fais les ronds dans le sauf, là, tu leur dis ça, tu vas plus tard. Allez, et Karkala aussi, non? Hein? Karkala. C'est marché en arrière. C'est difficile. Hein? Roha. Non, c'est j'ai appris dans le sauf, ça. Roha, c'est le repos. Roha. On l'a pris dans le début. Ouais. Et Kabir, grand. طيب ثالثا يقول حث مفرد كل كلمة من كلمات آتية دول فاجولية دو طول المفرد ظهور في البيت كله في البيت في الدفن الليكو بنتو على المفرد. De toute façon, je vous ai donné les singuliers au début. Aqdan, Hayouanat, Rukab, Wasail, Bilad. Donc, ces six mots, vous les retrouvez dans le Mufrad. Taïb, Rabi'an, Ajib, Asilatil Atiya. Awalen, Ma, Wasailu Safari fi Benadika. Quels sont les moyens de voyage dans ton pays? ثانيا أيهما تفضل السفر أو الإقامة ولماذا؟ Donc lequel des deux préfères-tu entre le voyage et la résidence et pourquoi? Et parce que tu préfères voyager ou tu préfères rester sur place. ثالثا أيهما أكثر متعة السفر بالسفينة أو بالطائرة ولماذا؟ Donc il dit quel est le plus qui est le plus plaisant, le plus agréable, le voyage en bateau ou en avion et pourquoi? Vas-y, jette l'avion, jette le bateau. Badel, Safina, tu dis Seyyara, et la place de Tayyara, tu dis le vélo. Tu n'as pas de quitter en vélo, Inch'Allah. Et ni en voiture quand tout ça avec ta famille, ou le départ. Un mal, Safina et Tayyara, tous les deux. Ouais, ça dépend où tu roules. Ouais, comment ça, ça dépend où tu roules? Ça dépend où c'est le secteur où tu roules, t'as des secteurs dans ta voiture, tu vois des choses. Ouais, mais ça, de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Ouais. Tu regardes devant toi, mon frère. Ça veut dire que tu vas avoir des trucs. Ouais, c'est où t'as la campagne, des lieux où il n'y a personne. Ou des heures où il n'y a pas grand monde. Abdullah. Donc, remplace Safina par la voiture et Tayyara par le vélo. Et Walimata, tu dis pourquoi? On coule le nos sabir fi kurasatik, c'est-à-dire en fait recopie. Là du coup c'est faire déplacer, mais ça ne dit pas. Donc il ne veut pas comprendre de remettre, de réécrire le texte sur mon cahier. Et ça je ne vérifie pas ce travail, ça vous le faire de vous-même, vous êtes des grands garçons, alhamdulillah. Celui qui ne fait pas, ben, c'est lui qui a lui-même. Dommage. Ouais, ils perdent l'écriture de l'écriture. Moi, je dis même que c'est par combat, tu vois, mais je dis même que c'est même pas suffisant. Ouais. Quand je dis ça, c'est un truc que je ne veux pas être derrière vous. Hein? Là, vous le faire, c'est même pas suffisant. Ouais, c'est minimum. Ma foule, madame. Ma foule, madame. Voilà, qu'il faudra. On a pour le Hamdoulilah, Rabbil Alamin.